vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage rookie. Marc-Olivier Dumas mettra les pleins feux sur l'actualité sportive dans Sport Effiloché et Jimmy Thibodeau sera brûlant d'informations chaudes dans Gauche Armée Vue. Assemblage rookie commence tout de suite. Assemblage rookie. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 13 mars 2018. On est à 45 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé aujourd'hui parce qu'elle est de retour des Jeux de la communication, comme on l'a dit hier, mais sa voix, elle, n'est pas revenue de là. Je crois qu'elle l'a oublié à quelque part là-bas. Donc, toujours pas de voix pour Tania. On va la retrouver, j'espère, d'ici la fin de la semaine. J'espère demain, en fait. On est quand même en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières. Et en plus, j'ai personne pour m'aider aujourd'hui. J'ai eu des gens les deux derniers jours. Donc, je suis très chanceux, mais en ce moment, j'ai personne. Donc, on va faire ça tout seul, vous et moi. Par contre, on a quand même des chroniqueurs qui vont être avec nous. À 8h, Marc-Olivier Dumas va venir faire Sport Effiloché. On va parler de sports locaux, de sports universitaires, sports provinciaux, nationaux. Ensuite de ça, Dominique Nodemavogou va être là à 8h30 pour Voix d'Afrique, lui qui nous parle d'actualité africaine. Ensuite, à 9h, Jimmy Thibodeau, gars de la gauche qui prend un sujet de la gauche et le défait un petit peu en pièces. Ça, c'est à 9h. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir quelques blocs des palmarès. C'est fou. On va faire du son foot palmarès dans quelques instants avec quelques listes sur, en fait, l'heure avancée et l'heure normale. Quelques petits faits là-dessus. Les effets surprenants, en fait, de ce changement d'heure qu'on vient de vivre en fin de semaine. Mais avant ça, écoutons une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est par Dilarama. Voici Les yeux fermés. Assemblage requis. Reste jusqu'à demain matin. Si ensuite tu t'éclipses, je ne dirai rien. Je n'ai pas, non je n'ai pas perdu espoir. Redis-moi de ces choses qu'on ne dit que dans le noir. Mon courir, tu finis toujours chez moi. Le ciel peut s'effondrer, ça ne veut plus rien dire pour moi. Tu sais, oh oui, tu sais, je ne t'en veux pas. J'ai gardé ton secret, silence. Une fois la nuit tombée, on se voit mieux les yeux fermés. Une fois la nuit tombée, ah, ah, ah. Comme deux adolescents redécouvrant leur innocence. Pourras-tu me pardonner? Je ne sais pas comment t'oublier. Une nouvelle entrée de Dilarama, les yeux fermés. Pas mauvais, ça. Pas mauvais. C'est pop, mais c'est pas mauvais. On peut dire que c'est pas pire. Toujours Assemblage Requis maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être fatigué en ce moment un petit peu parce qu'on a changé d'heure en fin de semaine. En tout cas, c'est une des raisons. Hein. On a avancé à l'heure d'une heure pour l'heure avancée de l'Est, comme on l'appelle. Hein. Alors, ça veut dire qu'on va avoir plus de soleil le soir, évidemment. On sait pour ceux qui se lèvent tôt comme nous le matin que maintenant il fait noir pour un petit bout. Ça va changer très bientôt. Donc, voici quelques petits faits que vous connaissez peut-être pas sur le changement d'heure. En tout cas, j'espère que vous les connaissiez pas. Moi, je les connaissais pas. Hein. C'est ça l'important. Benjamin Franklin, notre fameux Benjamin Franklin, qui a fait une petite blaguette, mais qui a été prise au sérieux pas mal plus d'un siècle avant qu'on adopte l'heure comme ça avancée de l'Est, l'heure avancée en général. Benjamin Franklin avait proposé un concept similaire dans un texte satirique nommé « An Economical Project for Diminishing the Cost of Light ». Donc un projet économique pour diminuer le coût de la lumière, publié dans le Journal of Paris en 1784. Donc, dans un passage quand même assez révolutionnaire, il parlait d'idées pour économiser de l'argent. Donc, à ce moment-là, on parlait pas d'économiser d'électricité, mais on parlait d'économiser de la cire de chandelle. Hein? Franklin suggérait de taxer pas les rideaux, mais les panneaux sur les fenêtres. Là, comment t'appelles ça? Quand on t'ouvre les... en tout cas, bref, les trucs de... bon, par-dessus les fenêtres. Mettre des rations sur les chandelles, bannir le voyage qui n'est pas urgent après la tombée du soleil. Tirer des canons le matin pour lever les gens qui se lèvent trop tard. Hein? Donc, c'était quelques points pratiques, mais aussi satiriques. Il écrivait ça à l'époque comme excuse pour rire des Français qui étaient, selon lui, paresseux. Il écrivait que le soleil qui était gaspillé chaque matin pourrait être un choc pour les lecteurs qui n'ont jamais vu le soleil avant midi. Hein? Avant midi. C'est un obturateur? Non, pas sur les fenêtres. Attends un petit peu, là. Non. C'est pas ça pantoute, hein? En tout cas, bref. Continuons avec le crédit de cette idée-là qui va à un collectionneur d'insectes. Ouais, la première personne qui a vraiment parlé de ça sérieusement, il travaillait au bureau de poste le jour, mais c'était un entomologiste nommé George Vernon Hudson qui chassait des insectes ou des bestioles la nuit. Le soir, quand il faisait noir, il était frustré parce que le soleil se couchait très tôt les mois d'été. Il se disait que le printemps pourrait avancer les horloges du nord, ce qui permettrait d'avoir plus de lumière pour ramasser des insectes et d'autres activités le soir, bien sûr. Et les horloges pourraient revenir l'hiver à l'heure normale où il y avait moins d'insectes à l'extérieur, ou pas partout. Lorsque l'idée a été proposée à une société scientifique en Nouvelle-Zélande en 1895, on disait que c'était une idée qui n'avait aucun but et qui était beaucoup trop compliquée. Et seulement deux décennies plus tard, on a commencé à voir l'heure avancer un petit peu partout dans le monde. Hein? Justement, la Première Guerre mondiale a poussé cette idée-là en loi. C'était en 1916 que l'Allemagne est devenue le premier pays à adopter officiellement l'heure avancée. C'est né d'un effort pour conserver le charbon pendant la Première Guerre mondiale. Et en Grande-Bretagne, en même temps que d'autres nations européennes, ça s'est propagé rapidement, mais c'est les Allemands qui ont commencé ça. C'est pas avant 1918 que le changement d'heure est arrivé aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. Un an après être entré en guerre, l'Amérique a commencé à pratiquer tout ça comme mesure pour économiser l'électricité. À la plupart des pays, dont les États-Unis, ont cessé l'observation nationale de ce changement d'heure après la guerre. Mais ensuite, c'est revenu, hein, ça a pris en popularité pendant la crise de l'énergie. Donc, c'était pratiqué déjà pendant dans plusieurs États américains, mais les États-Unis au complet ont reconsidéré cette idée-là dans les années 70. On parlait en fait de conserver l'énergie. L'embargo sur l'huile en 1973 avait parti une grosse crise de l'énergie et le gouvernement cherchait des façons de réduire la consommation d'énergie par le public. Le changement d'heure à l'année longue a été imposé au début de 1974 pour économiser de l'énergie les mois d'hiver. C'est pas tout le monde qui aimait ce changement-là. Certains des plus grands critiques étaient les parents qui soudainement devaient envoyer leurs enfants à l'école avant le lever du soleil. Mais en fait, on dit que, ça, que c'était pour économiser de l'énergie, mais ça pourrait en fait nous faire gaspiller de l'énergie. Malgré les origines du changement d'heure comme stratégie d'économie d'énergie, la recherche nous montre que ça pourrait être le contraire. Donc, une étude en 2008 conduite par en Indiana, oui, qui nous apprend que l'implantation partout aux États-Unis du changement d'heure 2 ans plus tôt, en fait dans l'État de l'Indiana, pardon, avait augmenté la consommation d'énergie d'1%. On dit donc que changer les horloges d'heure peut économiser sur la lumière, mais le coût du chauffage et de l'air climatisé augmente, lui. Donc, cette heure de plus de lumière a des avantages seulement pour les gens qui sont prêts à aller à l'extérieur. Voilà. C'est un danger pour la santé, nous dit-on. Même si l'heure, le changement d'heure était une bonne chose pour la facture d'électricité, ce serait pas nécessairement le même cas pour votre santé mentale. En fait, c'est plusieurs études qui nous apprennent que l'heure de plus de sommeil, l'heure de moins de sommeil, ouais, qu'on perd au printemps, peut nous affecter de différentes façons dangereuses. Un risque augmenté d'attaque cardiaque, d'AVC et d'être plus susceptible à des maladies. Tout ça a été lié au changement d'heure à travers les années. Mais il y a quand même quelques avantages, même si les gens aiment beaucoup se plaindre, c'est pas que de mauvaises nouvelles. Un avantage quand même important, c'est qu'il y a beaucoup moins de crimes lorsqu'on change d'heure. Selon une étude publiée en 2015, les incidents quotidiens de vol ont descendu de 7% suivant le début du changement d'heure, en fait, au printemps. On dit que c'est 27% moins de vols pendant les heures en soirée qui sont éclairées. Voilà. On l'observe pas partout au pays, hein. C'est la même chose au Canada qu'aux États-Unis. L'heure avancée est acceptée partout au pays, mais c'est pas toujours une loi fédérale. Aux États-Unis ici, donc les résidents américains qui ne veulent pas nécessairement changer d'heure pourraient déménager en Arizona. L'État n'a pas besoin d'avoir plus de soleil apparemment, donc chaque printemps ils sautent par-dessus ce changement d'heure. Donc il reste la nation des Navajos qui eux observent ce changement-là dans une situation particulière parce que la réserve est complètement située dans l'Arizona et la petite réserve Hopi est complètement située à l'intérieur de la nation de Navajo. Donc Hopi ignore le changement d'heure comme le reste de l'Arizona, mais la nation de Navajo, elle, observe ça. Donc ils sont suspendus comme une heure dans le futur à l'intérieur de l'État. Et dans cette bulle-là, il y a une portion qui, eux, l'observent. C'est spécial. Ça commence à 2h du matin pour une très bonne raison, le changement d'heure. On pourrait penser que ça serait à minuit, que ce serait beaucoup plus logique, hein? Mais non, le changement d'heure est remis à plus tard pour que les gens ne soient pas là pour s'en rendre compte. En fait, l'idée, c'est qu'on soit pas éveillé pour s'en rendre compte en attendant jusqu'à 2h du matin pour enlever ou ajouter une heure. L'idée, c'est que les travailleurs qui commencent tôt le matin vont toujours être au lit et que la plupart des bars et des restaurants vont déjà être fermés. Donc, ça devrait affecter le moins de gens possible à 2h du matin. C'est ce qu'on a déterminé. Ensuite, l'industrie du bonbon a fait du lobbying pour avoir une extension sur le changement d'heure. Jusqu'à récemment, changer d'heure l'automne, ça présentait un petit problème pour l'industrie du bonbon. C'est parce que l'heure avancée, se terminait traditionnellement le dernier dimanche d'octobre, donc juste avant l'Halloween. Il y a eu du lobbying pour repousser la date pendant plusieurs décennies. Et selon certains, en fait, les lobbyistes du bonbon sont allés jusqu'à placer de petites citrouilles en bonbon sur les sièges des gens du Sénat en 1986. Une loi qui a donné une extension jusqu'en novembre est finalement arrivée en 2007. Et là, on commence ça plus tôt, au mois de mars. Là. C'est vraiment très, très tôt, je trouve. Donc, je ne sais pas dire qu'on est de plus en plus... À un moment donné, on va tellement l'étendre des deux côtés que ça va finir par être l'heure avancée toute l'année. Ce qui serait pas pire, quand même. Hein? Ensuite, les 12... Peut-être que j'aurais mis le contraire, par contre. Mais bon, bref. Ensuite... On a parlé du changement d'heure, même si c'était samedi, il y a 3-4 jours. Mais quand même, continuons dans le même domaine avec des effets surprenants que peut avoir le changement d'heure. Hein? Comme je disais, donc, chaque mois de mars, on avance d'une heure. Chaque mois de novembre, on recule d'une heure. Hein? Parlons de quelques choses que ça pourrait causer. Par exemple, les dépenses qui augmentent. En 2016, JP Morgan Chase a décidé d'étudier un petit peu les conséquences économiques du changement d'heure en examinant Los Angeles et Phoenix, deux villes qui sont très grandes, relativement proches l'une de l'autre et qui ont une météo stable. Par contre, le facteur important, c'est que Phoenix n'observe pas le changement d'heure alors que Los Angeles le fait. Dans leur étude, on a compris que le changement d'heure était associé avec une augmentation de 0,9% dans les dépenses par carte de crédit per capita, oui, à Los Angeles au début du changement d'heure. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que la fin du changement d'heure est associée avec une réduction des dépenses quotidiennes per capita de 3,9% quand même. à un risque plus élevé d'attaque cardiaque. Plusieurs études nous montrent que le changement d'heure est associé avec une augmentation des attaques cardiaques. On en parlait un petit peu tantôt. Une étude nous suggère, nous montre en fait que 24% une augmentation de 24% du nombre d'attaques cardiaques le lundi après le changement d'heure dans un groupe d'hôpitaux du Michigan. Selon l'Université du Michigan, justement, les lundis sont très mauvais pour les attaques cardiaques en général. En fait, les chercheurs croient que le stress du début de la nouvelle semaine de travail et les changements du cycle de sommeil seraient la raison pour laquelle il y aurait justement cette augmentation-là. Le changement d'heure empire tout dans ce cas-ci. Donc, en tant que tel, les lundis normaux auraient la même condition. Mais là, c'est pire avec le changement d'heure. Le mardi suivant la fin du changement d'heure, lui, est associé avec une chute de 21% dans le nombre de patients qui se présentent dans les hôpitaux du Michigan, selon leur étude. Ensuite, les rendez-vous manqués. Hein, c'est quand même relié un petit peu. C'est une étude de 2017 qui nous apprend qu'un pourcentage de rendez-vous médicaux manqués augmentait après le changement d'heure. Mais comme le risque d'attaque cardiaque, les rendez-vous manqués descendaient pendant l'automne ou au moins temporairement. Plus d'accidents de voiture, peut-être, au moins pendant quelques jours. Une autre étude qui n'est pas aussi... champ d'études, oui, qui n'est pas aussi constant qu'on pourrait le penser, c'est les accidents de trafic, de circulation. En 2001, une étude américaine nous apprenait qu'il y avait une augmentation significative d'accidents le lundi après le changement d'heure. Une étude en Nouvelle-Zélande, en 2018, disait la même chose, nous apprenant que le premier jour du changement d'heure, les accidents sur la route augmentaient de 16%. De l'autre côté, par contre, une étude suédoise nous apprenait que le changement d'heure n'avait pas vraiment d'effet important sur le pays. Bien sûr, il y a plus de jours pour lesquels ça compte que seulement le premier jour du changement d'heure. Une fois que c'est fait, il y a plus de lumière sur la route plus tard pendant la journée. Donc, plusieurs études nous apprennent que cette lumière-là réduit les accidents de façon substantielle, tellement qu'une étude concluait que le changement d'heure à l'année longue, en fait, réduirait les morts par véhicule motorisé de 195% par année. Wow! C'est tellement compliqué qu'une étude, une analyse de 2010 au Minnesota listait 10 études elles-mêmes, donc c'est comme une méta-étude, qui nous trouvait des effets positifs sur le changement d'heure par rapport à la sécurité routière et 6 études qui montraient un effet négatif lors du changement printanier et automnal. Ensuite, toujours dans la liste des effets surprenants qu'on pourrait avoir après le changement d'heure, les sentences en prison peuvent être plus longues. Hein? Les chercheurs utilisent souvent le changement d'heure pour étudier le manque de sommeil dans les populations. C'est une période de l'année où on se réveille à une heure qu'on n'est pas habitué, hein? Donc une heure plus tôt que prévu. Une des études focusait spécifiquement sur les punitions, les pénalités judiciaires dans les cours fédérales américaines. Les chercheurs ont regardé ce qu'on appelle le Sleepy Monday, donc ça c'est le lundi après le changement d'heure. Là, on est rendu Sleepy Tuesday, on va être Sleepy Wednesday demain. Hein? Ça va continuer toute la semaine. Ils ont comparé les durées des sentences à d'autres lundis. Ils ont appris que le Sleepy Monday, lors de ce jour-là, les juges donnaient des sentences plus longues de 5%. Wow. Mais pensez pas que vous allez avoir une sentence plus légère lors de l'automne. Les chercheurs trouvent qu'il n'y avait aucun effet sur les sentences à ce moment-là. Donc, on augmente lors du changement d'heure qu'on avance, mais quand on recule... la normale est là, t'sais. Bref, les chercheurs disent que c'est probablement pas limité aux juges. Même les gérants, gestionnaires et autres patrons sont d'humeur à donner des pénalités plus sévères lors de ces changements d'heure avancés. Ensuite, plus de blessures dans les mines. Selon une étude sur les blessures dans les mines entre 1983 et 2006, le lundi directement après le changement d'heure est associé avec 5,7% plus de blessures au travail et 68% plus de journées de travail, oui, perdues à cause des blessures, donc des gens qui doivent prendre congé, indiquant qu'il y a plus de blessures qui sont plus sévères après le changement d'heure, donc pour l'avancée. Il n'y a pas de correspondance pour la réduction à l'automne encore dans ce cas-là. Ensuite, on augmente les collisions. On descend le nombre de collisions avec des koalas, hein, ou des koalésions, comme on appelle. Une étude nous apprend, donc, en fait, ils ont décidé de regarder comment le changement d'heure affectait l'interactivité entre les humains et les animaux, spécifiquement les collisions entre véhicules et koalas. Étant donné que les koalas sont particulièrement nocturnes, ils vont souvent traverser la rue ou la route pendant la soirée ou la nuit. Lorsqu'on change le trafic, lorsqu'il ne fait pas aussi noir, c'est ça? Lorsqu'on change les conditions routières d'heure, finalement, les chercheurs nous ont appris que le changement d'heure pouvait descendre le nombre de collisions avec des koalas de 8% les jours de semaine et 11% les fins de semaine. On dit que la différence entre les fins de semaine et les jours de semaine n'est pas si significative que ça, mais les chercheurs proposent qu'une petite augmentation de collisions le matin finit par calmer les avantages qu'on avait pour le jour de semaine avec la moyenne. C'est un petit peu compliqué. Par contre, les chercheurs espèrent étudier plus le sujet dans les années à venir. Et les koalas ne sont pas les seuls qui tirent profit un petit peu du changement d'heure. Les piétons peuvent être plus en sécurité aussi. Selon une étude, il n'y a pas d'effet négatif sur les accidents de voiture à court terme. Et puis, on dit qu'à long terme, ça s'associe avec une chute de 8 à 11 % des accidents ayant un lien avec les piétons dans les semaines suivant le changement d'heure au printemps. Voilà. Et une autre étude nous apprend que le changement d'heure à l'année longue voudrait dire 171 accidents de piétons de moins par année. Encore une fois, pas mal juste des avantages à changer, à ne pas changer d'heure, à finalement la laisser toujours au même moment. On appelle ça year-long DST dans l'article, le changement d'heure à l'année longue, mais une fois que tu arrêtes de le changer, tu sais, c'est plus un changement d'heure, c'est juste l'heure. Ensuite, toujours dans la liste des effets que pourrait avoir le changement d'heure, la satisfaction envers votre vie en général descend. Et on augmente l'utilisation du mot « fatigue ». On parle du Royaume-Uni et de l'Allemagne ici. Des études montrent que la satisfaction envers la vie va se détériorer pendant la première semaine après le changement d'heure au printemps. Une étude quantifie la détérioration en Allemagne avec de l'argent. Pour l'échantillon, le coût était calculé à environ 262 $, mais pour les gens qui étaient complètement employés à temps plein, avec des horaires pas flexibles relativement, ça augmentait à 408 $. Et pour les hommes dans l'échantillon, le coût de la transition était de 487 $. Évidemment, pendant ce temps-là, une analyse de Facebook a regardé les sentiments des gens sur la plateforme le lundi après le changement d'heure du printemps. L'utilisation du mot fatigué, fatigue et tout ce qu'il y a autour de ça a augmenté de 25%, avec une augmentation similaire du mot sleepy, donc je m'endors, et épuisé, ainsi que wonderful et great, donc parfait, super bien. Dans la période entre 5h et midi le lundi, l'utilisation de se sentir fatigué a augmenté en moyenne de 86%, versus une augmentation de 12% dans l'Arizona, qui, on se rappelle, l'Arizona n'a pas le changement d'heure, et 231% d'augmentation dans le Delaware. Et puis, en date de jeudi, après le changement d'heure du printemps, le mot fatigué est de retour à la normale. Donc, quand je disais tantôt que le Sleepy Monday, Tuesday et Wednesday, ben c'est pas mal ça. Une fois rendu au jeudi, ça va mieux. Ensuite, les enfants qui s'endorment un petit peu plus. L'étude autour du changement d'heure et les enfants en âge scolaire sont pas très conclusives. On dit que d'un côté, en 2009, un article dans Sleep Medicine regardait 469 Allemands entre 10 et 20 ans. Ils les ont divisés en groupes, donc ceux qui se couchent tôt et se lèvent tôt. Ça, c'est les larks. Et ceux qui se couchent tard et se réveillent tard, ça, c'est les hiboux, les owls. Ils ont appris donc qu'après la transition du changement d'heure, le groupe était plus fatigué pendant 3 semaines après la transition. Les hiboux, eux, s'endormaient plus pendant la journée. On a proposé à ce que ces tests-là ne devraient pas prendre place dans la semaine qui suit le changement d'heure. Un article en 2017 dans Economics and Education Review, par contre, lui regardait 22 000 étudiants européens et ils ont appris qu'au moins pour des tests avec peu d'enjeux vraiment importants, l'effet n'était pas significatif statistiquement. Ensuite, les gens vont plus paresser au travail avec le changement d'heure. Une autre étude qui regardait les tendances de recherche Google des gens le lundi avant le changement d'heure, ainsi qu'immédiatement après le changement d'heure et ensuite une semaine après, avec un focus spécifique sur les sites Facebook, YouTube et ESPN, donc les sites de divertissement que les gens vont pas googler au travail, vont juste aller sur le site. Bref, ils ont appris que le lundi après le changement, les gens cherchaient 3,1% plus de sites de divertissement que le lundi avant le changement d'heure et 6,4% plus que le lundi suivant. Et les chercheurs disent que on n'est pas trop certain que c'est un petit peu que tout ça. Ok, on dit qu'on faut faire attention parce que c'est pas nécessairement juste de la paresse. Le fait qu'il n'y avait rien de spécial au sujet de ces lundis-là veut dire que c'était peut-être exceptionnel. On sait pas. Bref, finalement, ça veut juste dire que c'est encore une autre étude très, très floue. Hein? Ensuite, des piqûres d'insuline qui sont mal synchronisées. Hein? Avec notre ère présente des téléphones intelligents et autres appareils connectés, c'est facile parce que l'horloge change toujours toute seule. Hein? Mais c'est pas nécessairement vrai. On dit en 2014, un article dans The Journal of Diabetes Science and Technology, les auteurs disaient que c'était facile de manquer une horloge dans la vie quand tu changes d'heure, les pompes d'insuline. Étant donné que les pompes commerciales n'ont pas de GPS et n'ont pas de mécanisme pour changer l'heure tout seul, il faut manuellement les changer. Les auteurs de l'étude discutent d'un étudiant universitaire à l'international avec une pompe d'insuline qui venait d'un pays qui n'observait pas le changement d'heure, voulant dire que l'horloge était à une heure désynchronisée. On dit qu'il n'y a pas eu de problème significatif là-dessus, ça lui a pas nui nécessairement, mais c'est quand même un rappel de vérifier toutes vos horloges, dont vos petits trucs d'insuline. Et puis, on va terminer avec les effets surprenants qu'on peut avoir avec le changement d'heure, avec les factures d'électricité plus élevées. On en parlait un petit peu tantôt. C'est ça. Alors, en fait, je pense qu'on a pas mal dit celui-là. Mais les chercheurs, les recherches modernes nous apprennent que l'utilisation d'électricité a changé depuis l'époque où on a commencé à faire le changement d'heure. Seulement 46% des maisonnées familiales avec un seul parent, c'est bien ça? Oui. En 1975, avait l'air climatisé, comparé à 93% en 2016. C'est ça. L'Indiana était une bonne place pour tester ce changement-là. On dit qu'en 2006, ils ont décidé d'observer l'heure avancée et l'heure reculée pour l'État au complet, alors que différents comtés à l'intérieur avaient déjà observé ce changement d'heure-là. Une étude a conclu que même si le changement d'heure économise un peu d'électricité en termes de luminosité, c'est contrebalancé par une augmentation du chauffage et de l'air climatisé, ce qui fait que les maisons de l'Indiana avaient 9 millions de dollars par année de plus en facture d'électricité lorsqu'ils utilisaient le changement d'heure. Et on dit que ça a seulement regardé la consommation d'électricité au niveau résidentiel et non commercial et industriel. Environ au même moment, le département de l'énergie aux États-Unis a étudié un petit peu le changement d'heure et ils ont appris que pendant une extension de 4 semaines, l'utilisation d'électricité descendait d'environ un demi-point de pourcentage par jour. Chez Oak Ridge National Laboratory, on a dit que c'est pas mal ça. Bref, hein? Des détails là-dedans qu'on n'a pas besoin de savoir, mais quand même. Les liens vers ces articles-là sont sur assemblagerequis.com. Tantôt, on va continuer ça avec des façons que les gens se réveillaient avant d'avoir des alarmes, avant d'avoir un téléphone cellulaire pour se réveiller le matin. Comment est-ce qu'on faisait pour se lever? Hein? Je sais pas. On va voir tantôt. Mais avant ça, on écoute Chad Day Wilson avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Stone Woman à Assemblage Rocky. Stone woman, stone woman, stone woman.

Delobies avec Money. Ah, assemblage requis, simple comme ça. Tantôt, on était dans Son Foutu Palmarès, donc on y retourne. Voilà. Il nous restait une dernière liste, en fait, c'est celle de ce que les gens faisaient avant les cadrans pour se réveiller. Ouais, il fallait bien se réveiller d'une façon ou d'une autre. Hein? On a tous une relation des fois stressante avec notre cadran. On n'aime pas ça nécessairement se faire brasser le matin. Moi, je préfère avoir une alarme qui sonne au moment approprié, c'est-à-dire de mon cycle de sommeil. Il y a des applications pour ça, c'est vrai. Ça fonctionne. Bref, que vous cliquez une fois sur votre snooze ou 20. Commençons par le contrôle de la vessie. C'était la première façon qu'on utilisait pour se réveiller avant les alarmes. Oui, on buvait des tonnes et des tonnes d'eau avant de devoir se réveiller. C'est pour ça. Ah ouais, on se levait dans le milieu de la nuit pour avoir à uriner. On timait son affaire, on synchronisait tout ça. Donc on surbuvait avant de se coucher. C'était utilisé par les Amérindiens, ça même jusque dans le 20e siècle, quand même récent. La clepsydre pour les fans de Fort Boyard, hein, parlant d'eau, la clepsydre, c'est une horloge d'eau. C'est un genre de sablier d'eau utilisé par les civilisations pendant des milliers d'années. Hein, c'était pas vraiment des horloges, c'était plus des minuteurs, si on veut, qui fonctionnaient pas mal pareil comme un sablier. C'est pas avant 245, l'an 245 avant chose, que Ctesibius d'Alexandrie a amélioré la clepsydre, ce qu'on appelait le voleur d'eau à l'époque. C'est lui qui a créé la première horloge mécanique, quand même. Les cycles saisonniers demandaient des niveaux d'eau irréguliers dans un réceptacle qui avait des marques aux heures de façon équidistante. Et les cycles quotidiens demandaient différentes marques à différents degrés, donc c'était pas régulier sur le clepsydre. C'est quand même particulier. Ça faisait donc une alarme qui demandait rien de plus que d'avoir quelque chose qui était frappé une fois rendu au niveau désiré. Après ça, il y a eu d'autres versions avec des rouages et puis un paquet de trucs comme ça. Vous pouvez aller voir dans l'article, c'est quand même assez impressionnant. Une palette de métal, des trucs comme ça. Ensuite, les appels religieux. Tu sais, on a des fois des wake-up calls dans les hôtels. T'as quelqu'un qui va t'appeler pour vous dire « Monsieur, je pense que c'est une machine qui dit ça de nos jours, mais bon. » Il y avait aussi des réveils religieux, donc des « religious wake-up calls » au début des sociétés chrétiennes. Les cloches, évidemment, appelaient les gens à se rendre à l'église, aller faire leurs prières le matin. Les cloches religieuses servaient aussi pour marquer le passage du temps pendant la journée, avant que les gens commencent à porter des montres. Dans la tradition de l'islam, des sons donc audibles et des prières marquaient le début de la journée, comme aujourd'hui. Le lever du soleil, ce qu'on appelle le FAJR, on va dire comme ça, était la première de 5 prières quotidiennes qu'on entendait partout dans le village, en fait. 4 autres prières suivaient le soleil et aidaient à marquer le passage du temps, le jour et la nuit. Mais la nuit, oui. Ensuite, les Peg Clocks, c'est vers l'année 1555 que Taqi al-Din Muhammad ibn Maruf a inventé quelques différents types d'horloges mécaniques. En fait, des cadrans mécaniques, donc vraiment des cadrans d'alarme là, pour se réveiller, dont un qui pouvait sonner à n'importe quel moment désiré. Donc, ça a été fait en plaçant un peg, donc ça, c'est comme une genre de... pas un bout de bois, mais une genre de tige, si on veut, dans un trou qui était à l'avant de l'horloge. Taqi al-Din est né en Syrie. Il a été éduqué au Caire. Et des horloges similaires ont été développées environ au même moment dans l'ouest de l'Europe. Ensuite, ce qu'on appelle le knocker-up, ou des fois knocker-upper, a été assez populaire pendant la révolution industrielle. Ça utilisait un long bâton avec un fil de métal ou une poignée fixée au bout pour réveiller les gens au bon moment. Les clients donc acceptaient verbalement à l'avance ou postaient leur heure demandée sur une porte ou sur une fenêtre. Et pour quelques cents par semaine, les clients pouvaient être assurés que le knocker-upper n'allait pas partir avant que la personne soit éveillée. Les knocker-ups, comme on les appelait, étaient presque toujours des hommes, et c'est eux qui venaient poker les gens. Donc les usines, les moulins et autres trucs comme ça employaient leurs propres knocker-ups pour s'assurer que les travailleurs se rendent au travail à temps. C'est fou quand même! À la place d'être la responsabilité du travailleur de se réveiller, c'est la responsabilité de quelqu'un de réveiller le travailleur. Pour les fanatiques des pierres à feu, tiens, le sifflet d'usine. Au début de l'âge industriel, les travailleurs travaillaient autour de l'usine ils vivaient autour de l'usine où ils travaillaient et se réveillaient au son du sifflet de l'usine. Donc les moulins textiles, les usines d'acier et des trucs comme ça attiraient des fermiers de la campagne. Et comme ça, ding ding ding, l'horloge faisait réveiller tout le monde et le temps était de l'argent. Mais maintenant, le temps pouvait être surveillé un petit peu plus facilement. Le travail n'était plus géré par la saison, mais plutôt divisé en unités de temps. C'était donc le sifflet de l'usine et non le lever du soleil ou les oiseaux qui disaient aux gens d'aller travailler à l'époque. Et finalement, l'alarme de 4 heures de Levi Hutchins. Hutchins avec un S. C'était en 1787. Levi Hutchins de Concord dans le New Hampshire a inventé un autre système de cadran d'alarme. C'était dans une boîte de pain, l'arbre. Il y avait un mécanisme à rouage qui faisait partir une clochette. La clochette sur son horloge ne pouvait sonner qu'à 4 heures du matin, ce qui était, par coïncidence, pas vraiment l'heure à laquelle Levi devait se lever pour aller travailler. Finalement, le 24 octobre 1876, une alarme qu'on crinquait mécaniquement pouvait être préparée pour n'importe quelle heure, et ça a été breveté par M. Seth E. Thomas. Voilà, hey, je trouvais ça intéressant, moi, des alarmes, avant qu'on ait des cadrans. Encore une fois, les liens sont sur assemblagerequis.com. Dans une quinzaine environ, ça va être Dominique Nodemavungu pour sa chronique voix. Non, c'est Marc-Olivier Dumas en premier, je m'excuse. Marc-Olivier Dumas s'en vient avec Sport et Fléché. Avant ça, par contre, on écoute Wolf Parade. Voici Valley Boy. Assemblage Requis. Offering avec Valley Boy, assemblage requis. Et maintenant, ben, c'est le bloc des palmarès, c'est fou. C'est le moment de rendre visite à nos très négligés palmarès. Et aujourd'hui, en fait, on a une chronique de retard. On n'a pas joué la chronique jeudi. Donc, on est rendu au numéro 1 de la semaine passée. Oui. Et on va savoir plus tard qui sont les numéros 1 cette semaine. Mais là, on vit dans le passé un petit peu. Je vous rappelle que pour la semaine, il y a deux semaines, donc du 26 au 4, les numéros 1, c'était Galaxy et The Spook School. Et là, on est rendu à savoir si c'est ça pour la semaine du 5 au 11 mars. Donc, la semaine passée, on écoute nos numéros 1 et on vous dit qu'est-ce que c'est après. On va voir si, en fait, le mystère va arrêter. Yeah. C'était le numéro 1 pour la période du 5 au 11 mars 2018. En numéro 1 francophone, c'était Corridor et Hello Monde avec deux cœurs sur l'album Deux cœurs. Et en numéro 1 anglophone, on vient d'entendre The Rubens avec Cut Me Loose sur l'album Million Man EP. Donc ce n'était plus Galaxy et Spook School qui étaient au sommet pour la semaine du 5 au 11 mars. On va savoir qu'est-ce qui est numéro 1 cette semaine-là, si, là, la semaine du 12 au 18, plus tard cette semaine. Mais tant qu'à écouter du palmarès, j'ai envie de continuer dans la même lignée avec un numéro 1 des dernières semaines. C'est plus là, ça a quitté les palmarès, malheureusement. Mais c'est celle de Etou Broussé. Voici The Light, et j'espère que vous allez me pardonner de jouer trois pièces musicales dans le même bloc. C'est seul. Drugstore cowboy used to be the one who let you down, let you down. I had no time for second chances, had no time to let you hang around, hang around. But I see the light come lay me down. Yes, I see. Par Etou Broussé, assemblage requis. Au retour, Marc-Olivier Dumas, Espoir et Filoché. Marc qui est déjà en studio avec moi. Salut Marc-Olivier. Bon matin. T'as volé la place de Tania là. Mais oui. T'as pas l'autre façon. Je m'en fiche. Tasse-moi. C'est ça, ouais, essaye de me tasser. Ouais. De quoi tu nous parles tantôt? On va parler un petit peu des Jeux paralympiques qui se déroulent en ce moment. Mm-hmm. Tu sais, de quoi que personne ne parle. Malheureusement, non, c'est ça. Si tu veux voir ça, c'est la nuit, je pense, puis la fin de semaine, parle un petit bloc. Non seulement, et en plus, ils n'ont aucune visibilité dans les médias traditionnels. On va d'ailleurs parler un petit peu de ça aussi, de la visibilité du sport, et on va parler d'un tournoi qui débute ce soir. Et un très gros tournoi universitaire aux États-Unis. J'aime ça. C'est au retour dans Sport et Filoché. Restez là. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis. Pour toi requis. C'est la deuxième heure d'assemblage requis en ce mardi 13 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudet a congé aujourd'hui. Elle se remet encore de ses jeux de la com. Comme j'ai dit tantôt, je pense qu'elle a oublié sa voix au jeu de la com. Ah, c'est possible. Bon, je suis un peu... ce genre d'événement-là, comment ça fonctionne, ouais. T'sais, oui, il y a les épreuves, mais il y a aussi... les épreuves entre parenthèses. Oui. Ça, c'est plus des épreuves alcoolisées. Haut taux d'alcool. C'est ça, voilà. Pourcentage élevé. Pour ne pas dire. C'est une souleverie, on va se le dire. C'est une meuverie. On va se le dire, là, ce genre de jeu-là. Oui, il y a l'aspect académique qui est très important quand même. Le monde y va pour des raisons académiques à la base. Certains, c'est pour un peu plus de party. Et mais pour la compétition. Il y en a quelques-uns pour la compétition. Il y a déjà compétition. Mais le gros. Gros. En tout cas, l'UQTR, c'est peut-être pour ça qu'on gagne pas souvent. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont là pour le party. Ah ouais. Ils vont là pour, tu sais, lever le coude un petit peu. Mm-hmm. Puis je dis pas que c'est ça que Tania a fait, mais... Non. C'est une belle excuse pour boire, voir des gens, devenir amis avec du nouveau monde. C'est quand même exact. C'est une super belle place pour rencontrer du monde, rencontrer des futurs employeurs. C'est des liens, oui. Mais des fois, ben, un petit peu trop d'alcool qui rentre et un petit peu trop de gueulage. Ouais. Ah ben ça se peut ça que ce soit le cri lors des parties qui lui a enlevé la voix. Beaucoup plus que juste de la radio, je pense, de 20 minutes. Ouais, sûrement. On va lui en parler, j'espère, si elle revient. Oui. Éventuellement, peut-être demain, on va lui en parler. Bref, c'est Marc-Olivier qu'on a avec nous pour la chronique de sport qu'on appelle la Sport et Filoché. Donc Marc-Olivier Dumas qui est là comme chaque semaine, même ça fait je sais pas, un petit bout qu'on s'est pas vu. Ça doit faire trois semaines. Trois semaines environ avec les jeux de la com, semaine de relâche. Ouais, la semaine de relâche, j'étais pas là. La semaine précédente, je n'étais pas là en raison d'examen. Mm-hmm. Parce que vous savez que vous m'amenez tout le temps, vous et toi et Tania. Ok. À être en retard à mon cours. Ah, c'est vraiment notre faute, ça. Totalement. Vraiment, tout le temps notre faute. Totalement. C'est pas parce que t'as pas fini de préparer tes affaires et tu veux que je joue une toune de plus, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est vraiment notre faute. C'est notre faute à nous autres. Donc aujourd'hui, on parle, Marc-Olivier, qu'on apprécie énormément, on parle entre autres des Paralympiques et de d'autres tournois qui ont lieu. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? On va débuter d'abord par les Paralympiques parce que, bon, on est en pleine saison des Paralympiques. Il reste encore quelques jours. Ça se termine dimanche le 18 mars. Avec, c'est moins long, hein? Beaucoup moins long. Ouais. C'est au lieu d'être 16 jours, c'est 9 jours de compétition. Il y a moins de sport aussi, ben, surtout avec les Jeux d'hiver. Ouais. Il n'y a pas de bobsleigh, par exemple. Okay. Ce qui pourtant, on va se le dire, bobsleigh, c'est un sport où t'as pas vraiment besoin d'aucun de tes membres, non? Ben oui, faut que tu pousses le putain de bob. Ouais, mais tu peux pousser, tu peux avoir une personne qui pousse, puis le reste, t'es dans un bobsleigh. Ouais. C'est parce que ce serait moins impressionnant ou moins... Je pense que c'est surtout parce que tant qu'à faire, il pourrait probablement participer à des épreuves normales. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'était ça que je voulais dire. Je voulais juste mal exprimer, mais c'est ça que je voulais dire. Mais encore là, il n'y a pas de bobsleigh, c'est surtout du ski. Ouais. En fait, non. Il y a du biathlon, du surf des neiges, du ski de fond, ski alpin, curling, hockey. Il y a un peu de sport, mais il y en a beaucoup moins. Et je trouve ça drôle à quel point à chaque sport, il faut qu'on ajoute para. Ouais, hein, ski, ben para, oui, alpin. Je suis d'accord avec toi, parce qu'à un moment donné, on para ski de fond. Ouais. Surf des neiges, tu sais. Puis est-ce que Radio-Canada appelle ça la para-couverture des Jeux paralympiques à Paradio-Canada? Il y a des chants. Non, à Para-ici. Excuse-moi, Par-ici. Par-ici. Non, mais je trouve ça un peu dommage parce que on veut traiter ces athlètes-là un peu sur un pied d'égalité des autres athlètes, mais faut qu'on rappelle à chaque fois. Ou autres, là. Qui n'ont pas tous... Ouais.

assemblage requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 13 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin n'est pas avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle se remet encore. Là, sa voix est vraiment pas présente du tout. Alors, on espère la retrouver dans les prochains jours. Cela étant dit, à 8h30, habituellement, on aurait Dominique Notmabungu qui présentement est en difficulté de véhicule. Donc, on espère pouvoir la voir. Sinon, peut-être qu'on va devoir remettre ça. Mais tiens, pendant qu'on a le temps pour de la musique, écoutons Mimicking Birds. Voici Sunlight Days. Assemblage requis. La pièce Someplace par Yamantaka Sonic Titan à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de faire un deuxième bloc pour aujourd'hui des palmarès, c'est fou. Ah oui, nos très négligés palmarès, c'est fou, qui reçoivent la visite deux fois dans la même journée, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les précédentes palmarès dans le bloc Palmer Rest in Peace. Voici la tonne de pièces qui nous ont quitté depuis les derniers palmarès. De la main d'un fuck you immense, jeté à la face de la cohérence. Wow! Que vous n'y voyez qu'une bouillie vide de sens, une manifestation précoce de démence. Rien à chier, sacré moins patience. Moi j'exerce mon droit à l'incohérence. Everything you've got is everything I take it. Yeah. 5 au 11 mars 2018. On a commencé avec Mardi Noir qui est retourné porter sa peau de mouton, hein, avec Nourrir les loups qui a duré 7 semaines. Mon oncle Serge a été déclaré incapable d'être cohérent. Mon droit à l'incohérence qui a duré 7 semaines. The Spook School avait beau vouloir, mais ils ont dû quitter avec Best of Intentions qui a duré 6 semaines. Helen Keltner Skelter s'est évanoui, je pense que c'était les drogues, avec Fly Through Clouds qui a duré 6 semaines. Running Touch s'est épuisé, hein, avec Courtesy of qui a duré 5 semaines. Typhoon a vu une tâche qui lui disait ok, je suis plus à ma place dans ces palmarès-là, avec Rorschach qui a duré 5 semaines. Cat Meows est retourné se coucher avec Here I Wait qui a duré 6 semaines. Pardon. Holy, je sais pas, Holy. Et ouais, ben, je pense qu'il est allé se coucher avec 4 Meows parce que c'est Night on Earth qui a duré 3 semaines. Born Ruffians a fini par oublier ce qu'il faisait. Sidetracked avec 7 semaines. Slaughter Beach Dog a gagné sa médaille et s'est dit ok, ben, je peux m'en aller maintenant. Avec Golden Green qui a duré 5 semaines. Et Busty and the Bass a dit moi, j'ai besoin de changement, je vais aller voir ailleurs. Avec Things Change qui a duré 5 semaines. J'ai pas habituellement trouvé autant de jeux de mots avec autant de chansons, mais bon. Et comme toujours, j'ai choisi une pièce au complet qu'on va aller entendre. Parmi tout ça, il y en avait vraiment beaucoup, hein? Combien est-ce qu'il y en avait? Une tonne, c'est pas le chiffre que je cherchais. 11! Wow! Mais si vous écoutez l'émission une fois de temps en temps, vous savez que ma préférée, c'est clairement celle de Slaughter Beach Dog. Donc on l'écoute au complet. Voici Golden Green. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 10h. Bye. Positive Intentions par The Spook School, précédé de Slaughter Beach Dog avec Gold and Green, deux pièces qui nous ont quittés cette semaine, malheureusement, mais mes préférées dans le groupe, hein, c'est moi qui les ai choisies, bon, hein. On prend une pause au retour en passant un petit message d'intérêt public à Dominique Nodmavungu qui est à 8h30, habituellement va être avec nous à 9h30, son problème de véhicule est arrangé, donc juste après Jimmy Thibodeau au lieu d'avant. Mais pour l'instant, Jimmy Thibodeau s'en vient avec Gauche Herbe et Vue, restez là. Assemblage de qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? C'est presque la troisième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 13 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, Tania Beaudin n'est pas avec nous, malheureusement. Elle se remet encore de ses jeux de la com. La voix lui a lâché complètement pendant ces jeux-là, faut croire. Elle devrait être avec nous dans les prochains jours, espérons-le, espérons-le. Caroline, pauvre elle, pauvre elle. Pauvre moi aussi, parce que je suis seul, mais ça va bien. Ça va bien jusqu'à maintenant. On réussit, on persévère. Et le reste de l'émission va être rempli quand même, parce qu'à 9h, dans quelques instants, Jimmy Thibodeau s'en vient pour Gauche Herbe et Vue, gars de la gauche qui prend un sujet de la gauche et le détruit en miettes. Et ensuite de ça, je l'ai annoncé tantôt à 9h30, case horaire exceptionnelle pour Dominique Nodmavungu qui va nous résumer les nouvelles du continent africain dans Voix d'Afrique. Donc le reste de l'émission devrait être assez intéressant. Merci beaucoup. Mais avant ça, on a encore du temps pour la musique. Aujourd'hui, oui, j'en joue plus que d'habitude. Que voulez-vous? On écoute Victime avec Fatigue, même si c'est pas mon genre de me plaindre, là, mais Fatigue puis Victime, ça me va bien en ce moment. We'll be right back. sans que jamais personne ne puisse le voir. Et l'enfant sous sa tête dans la gueule du soir, sans que jamais personne ne puisse le voir. Pour s'assurer que l'aube n'arrive que trop tard. C'était mon petit bloc composé de groupes qui commencent par V. Je sais pas, V. C'était Volvitz avec La Garçonne, précédé de Victime avec Fatigue. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, on est dans l'attente de notre ami de gauchère Bévu. Hein, bien sûr, Jimmy Thibodeau qui s'en vient dans quelques instants, espérons-le, espérons-le. Ah, et après ça, Dominique Nodemavungu, j'ai pas le temps de commencer une chronique, hein, évidemment. Par contre, j'ai le temps de vous parler de notre chaîne YouTube. Ça vous intéresse d'aller voir ça sur YouTube, Assemblage Requis, ou sinon chercher une grosse pointe à l'adresse, parce que toutes nos chroniques d'une grosse pointe à l'adresse sont là depuis les dernières semaines. On est rendu à 7 chroniques. Je poste non seulement des nouvelles chroniques environ 2 fois par semaine en ce moment, mais en plus quelques chroniques rétro, j'en ai 2 jusqu'à maintenant, de poster qui datent de 2013 au début de quand on a fait cette chronique-là. Donc, visitez youtube.com et puis cherchez Assemblage Requis pour la chaîne YouTube. J'apprécierais énormément qu'on monte au-dessus de 12 abonnés. Hein? Avant de passer à Jimmy Thibodeau, on écoute Moby. Et là, c'est vrai qu'il s'en vient, je le vois à travers la fenêtre. On écoute Moby avec This Wild Darkness à Assemblage Requis. Madness and season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, so calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night. I'll never be free. Please light my way. Light my way.

Elle s'est inspirée pour la cover d'une affiche d'un vieux film sénégalais. C'est-à-dire qu'il s'appelle Tuki Buki. Et que ça a été... en fait, c'est un film en tout cas qui date quand même. Et dans le cadre de leur tournée, ils sont allés puiser en tout cas leur nouvelle cover avec, en s'inspirant de la cover qui a été elle-même réalisée à l'époque par le scénariste sénégalais qui est auteur du film. Et puis sur cette cover, ce qu'elle a de particulier, c'était deux personnes qui étaient sur une moto. Et la moto, elle avait comme des cornes de buffle ou de bœuf en fait. Mm-hmm. Donc ça a donné un genre, un style un peu à cette moto un peu. Et c'est ce style-là que Beyoncé a essayé aussi d'aller chercher en essayant de s'inspirer de la cover. Et puis je trouve un que hommage. C'est un hommage en fait. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil aussi à la culture sénégalaise particulièrement, mais aussi à la culture aussi africaine aussi généralement. Ouais, parce qu'on les voit les deux comme typiquement américains, mais ils ont aussi des origines africaines. Ouais, c'est vrai. Et puis ça fait du bien que eux-mêmes aussi puissent s'en inspirer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont d'origine africaine mais qui ne font pas pour autant des clins d'œil aussi à cette culture-là. Donc c'est bien aussi qu'il y ait peut-être quelques personnes qui le font. Donc ça rend les choses aussi un peu plus intéressantes. Et puis ensuite aussi, parler un peu dans le domaine de la culture, un peu de l'appréhension peut-être de certains des Africains pour peut-être la psychologie. Donc par exemple un peu dans notre culture, un psychologue c'est un peu mal vu. Mm-hmm. C'est-à-dire comme quand tu consultes un psychologue pour les personnes, ça signifie que tu vas pas bien ou que tu commences à virer peut-être fou ou bien quoi. Mm-hmm. Mais alors que c'est pas forcément le cas. Il y a sûrement autant de gens proportionnellement qui ont des problèmes psychologiques, qui ont besoin de consulter, mais qui le font pas parce que leur fierté leur empêche, parce que ça va être mal vu, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors que je pense que n'importe quelle personne, nous, on reste tous des êtres humains, hein, peu importe la provenance, ta provenance, tu as des sentiments comme les autres aussi. Ton cerveau est de la même couleur. Tu vois? Puis voilà, je pense que tu peux être aussi affecté par certaines choses et puis tu peux ressentir aussi le sujet de pouvoir discuter. Donc moi je trouvais que dans notre culture, on voit ça un peu d'un mauvais oeil. C'est dommage parce qu'en tant que tel, les gens vont pas aller étudier en psychologie non plus parce que c'est stigmatisé si on veut. Ouais. Tu dis je vais aller étudier en psychologie mais je pourrais pas traiter personne parce que personne ne va venir me voir. Ah, c'est ça, mais moi je pense que de plus en plus en fait, les personnes, c'est une profession qui commence à prendre sa place aussi dans le continent, tu vois. Et beaucoup de personnes disent non, que c'est pas nécessaire, mais moi je trouve que c'est nécessaire aussi de pouvoir discuter avec des personnes. Et puis le métier de psychologue, c'est bon en fait, ça permet à personne d'évacuer, tu vois, d'évacuer ce qu'ils ont sur le cœur, de pouvoir dire ce qu'ils ou elles ressentent. Prendre soin de sa tête. C'est ça en fait. Puis ça permet à ces personnes-là après de se sentir mieux, je pense que ça contribue aussi d'une certaine manière au développement du quotidien, peut-être disons un développement au niveau culturel aussi et puis au niveau aussi social, parce que tu sais, une personne aussi qui est bien dans sa tête, elle s'intègre aussi plus facilement. Mmh. Tu vois, que plutôt qu'une personne qui n'est pas à l'aise avec peut-être qui est obligée de toujours tout prendre sur elle, mm-hmm. alors que dans le fond ça va pas, mais elle est obligée d'extérioriser, elle peut de donner une autre image d'elle, alors qu'à l'intérieur tu sais qu'elle se sent pas bien. Et puis c'est ça qui pousse après les personnes à faire des choses qui sont incompréhensibles, et on finit par se demander mais pourquoi il ou elle a fait ça, pourtant je l'ai vu hier, elle était pas comme ça, elle a pas fait ci, elle a pas fait ça, tu vois, alors que c'est tout le temps ça a été juste une image que cette personne donnait, et dans le fond elle n'allait pas bien, mais à cause du regard de la société, elle ne voulait pas consulter ni en parler à quelqu'un. Elle a préféré garder ça pour elle, et puis ça peut la pousser. Quand tu gardes ça dans toi, c'est sûr que ça va finir par exploser. C'est ça, et à un moment où on ne s'attendra pas, et tout le monde sera vraiment totalement surpris, comme si on ne savait pas que ça allait finir par arriver. Mais tu alors... vas atteindre le fond éventuellement du baril. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Ça a toujours été comme ça, là. C'est mal vu. Ouais, en ce moment, c'est mal vu, mais au fil des années, ça commence, on essaie de tranquillement pousser ça et puis essayer de faire accepter ça aux personnes. mais ça reste quand même assez encore difficile à date. Mmh. Un long bout de chemin à faire. Ouais, un bout de chemin à faire. Et puis, il y a encore beaucoup de... Moi, je dirais pas de tabou, mais je dirais de non-dit, en fait. Ah, OK, ouais. Voilà, de non-dit public, en fait. C'est-à-dire, tout le monde peut-être pense quelque chose, mais on va pas le dire du fait que... on met ça, on se voile un peu derrière une culture, en tout cas. Ouais. Alors que moi, je pense que... Non, pas forcément, en fait. Non. Faut faire une suite à Black Panther 2. Il va aller chez le psychologue dans le film. Ça va être juste ça, le scénario du film. Puis les gens vont dire, ah ouais, OK, c'est Black Panther le fait. Ah bon, mais je pense que, ouais, peut-être inscrire ça aussi dans la lignée, en fait. Parce que, nous, on n'a pas... Bon, dans la culture, on n'a pas vraiment ça. Parce que généralement, les psychologues, c'est peut-être des grands-parents, tu vois, ou peut-être des personnes de notre entourage, tout ça. Donc, mais quand c'est quand même des personnes de ton entourage, tu peux pas comme... Ah, mais non. C'est parce que souvent, c'est ton entourage qui te dérange. Ouais, exactement. Le message va finir par se rendre. Non. Exactement. Le secret professionnel, c'est comme la chose la plus importante dans ce domaine-là. Ouais, exactement. En fait, tu veux pouvoir dire ce que tu penses et puis... Sans conséquence. Sans conséquence. Alors, c'est ça. Donc, ça fait que certaines personnes aussi sont prisonniers aussi un peu de ça. Mmh. Donc, ne vont pas forcément... essayer de se libérer, donc ça finisse comme ça. Ouais. Donc voilà, c'était un mot aussi, voilà, que là-dessus, en fait. Et puis parce que c'est un débat, je pensais beaucoup à ça, et puis je me suis dit, ouais, je vais en parler, et puis on attend les réactions aussi d'autres personnes, voir aussi ce qu'ils pensent aussi par rapport à ça. Donc là, tu parlais de Black Panther tantôt. Oui. Justement, on va parler un peu de ça. Donc au niveau surtout des chiffres aussi du film qui énorme succès, hein. Ouais, ça a été vraiment mieux qu'on l'espérait. Ouais. Et on espérait déjà beaucoup. C'est ça, donc vraiment c'est un très bon démarrage au box-office. Et puis là, je pense que là, ils ont fait, je pense, là, une deuxième, ils sont classés dans le top 4 des films les plus rentables de l'histoire, cinéma même, carrément. Donc je trouve que c'est vraiment une belle réussite pour les studios Marvel d'avoir placé ce coup-là. Et puis à ce moment-là, je pense qu'ils viennent se concurrencer un peu eux-mêmes, parce qu'ils avaient déjà réussi le coup avec Avengers. Ouais. Donc là, ils se concurrencent encore eux-mêmes avec Black Panther. Donc c'est de mieux en mieux. Et puis le film ne tarit pas, les critiques ne tarit pas d'éloges, en fait, par rapport à ce film-là. Ça a été vraiment un franc succès. Tu l'as vu une fois ou... Bon, moi, je l'ai vu une fois. J'ai failli le voir une seconde fois. Ouais. Mais je pense que la première fois, j'avais déjà été correct. Donc j'ai pas souhaité le... C'est un film de super-héros. Le scénario doit pas être tellement super original que ça mérite 3 écoutes pour comprendre. Non, je pense que c'était très clair. Ouais. C'était clair, très ouais, clair. Et puis, mais par contre, je suis quand même allé au cinéma ce week-end, et puis j'ai quand même regardé un film qu'on appelait Raccourci dans le temps, avec Oprah Winfrey. Ah oui, OK. Qui est sorti récemment, en fait. C'est plus un film, je dirais, pour... peut-être pour enfants, pas pour enfants, mais généralement pour jeune public, en fait, pour un public relativement jeune. Et mais moi, je l'ai regardé pareil, et puis c'est vraiment aussi un beau film. Et puis lui aussi, il fait un excellent score au box-office. Je sais pas si c'est la présence d'Oprah qui... Probablement que ça a un rôle à jouer là-dedans. C'est quoi ce film-là? Comment ça s'appelle? Raccourci dans le temps. Non. C'est sorti il y a pas longtemps. J'ai même pas vu passer ça, je m'excuse. Donc moi je l'ai trouvé en fait par hasard, parce que je voulais comme regarder un film et en allant sur le site du, comment ça s'appelle déjà, du Fleur, je pense, Cinéma Fleur de Lys. Oui, ben oui. Voilà, donc là j'ai trouvé ça. C'est à l'affiche en ce moment. Ouais, c'était à l'affiche en ce moment. Et puis la salle était assez pleine, en fait. Je dirais pas qu'elle était à craquer, mais c'est était... pas un blockbuster, c'est pas Black Panther. Non, donc, c'est sûr. Non, est-ce que c'était rempli de gens de toute variété ou... Ben en fait, pas en tant que tel, en fait. Non. C'était beaucoup d'un public de jeunes, en fait. C'est beaucoup de parents avec leurs enfants qui les emmenaient regarder le film. Donc voilà. Donc moi j'ai regardé le film, j'ai bien aimé. Le scénario, il était assez simple aussi à comprendre, et puis on n'avait pas besoin de trop s'embêter avec ça. Et aussi, une chose qui était drôle pendant le film, je pense que mon téléphone s'est mis à sonner. Oh non, ça, personne aime ça, là. Ça... C'est une des raisons que je vais pas au cinéma, c'est parce que les gens font sonner leur téléphone, là. Explique-toi, justifie-toi. Donc en fait, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude le téléphone il sonne même pas, en fait. Je sais pas, j'ai un problème avec les réglages et tout. Ouais. Et là, comme par hasard, ça sonnait là. Et c'est quoi ta sonnerie, je sens? C'est la même sonnerie d'iPhone et tout. Ok, par défaut. Là. Ouais, la sonnerie c'est par plus défaut. Gros métal. Non. Mais voilà, j'ai reçu des regards qui étaient Persan, voilà, qui voulait, qui en disait long déjà sur l'état d'esprit. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que j'éteigne ça et tout. Donc là, ça s'est mis à sonner. À la base, je pensais que c'était pas le mien. Ouais. Mais après, je me suis rendu. Parce que tout le monde a la même sonnerie. En plus, c'est la sonnerie par défaut. C'est pas là. Ça peut durer longtemps avant que quelqu'un s'en rende compte. Donc voilà, finalement, j'étais obligé de d'éteindre ça rapidement. Apprends de tes leçons, Dominique. Donc, voilà, désolé aux personnes qui étaient dans la salle à ce moment-là. Désolé à Oprah. Voilà, qui se sont fait déranger quelques secondes par la sonnerie, mais ça a été vite corrigé en tout cas. Donc, voilà, ça va pas se reproduire. Non, non, non. Donc, voilà, par la suite, on va enchaîner avec un mot de culture. Donc, je vous disais que j'avais rédigé un essai, donc un article en fait. Mm-hmm. Que j'avais appelé Redéfinir la culture, où, qui parle un peu de Brigade 555 et puis de pourquoi le choix du masque en fait, où j'explique un peu dedans pourquoi utiliser le masque dans le logo et puis des provenances aussi du masque. Brigade 555, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre autres un compte Instagram, c'est ailleurs aussi, YouTube. Et Facebook en Facebook, fait, c'est le compte un peu où je poste aussi dessus les vidéos. Et puis généralement, le logo principal, c'est comme un masque. Il y a un brigade là-dessus. Donc dans l'article, j'explique un peu les provenances du masque, parce que c'est un masque aussi de la culture congolaise, qui est un masque d'Afrique centrale, qui présentement il est exposé au Musée royal d'Afrique centrale en Belgique. Et en ce moment, ce musée-là, il est fermé présentement, mais il devrait rouvrir ses portes vers fin de cette année, fin 2018. Et puis voilà, moi je l'ai choisi parce que c'était une manière aussi de faire un peu la promotion de la culture aussi africaine, et puis particulièrement aussi congolaise. Et puis généralement on utilise beaucoup les tissus, on utilise beaucoup la musique pour faire la promotion. Donc moi j'ai voulu essayer d'innover un peu en associant ça, c'est toujours dans la culture, mais peut-être mais avec les masques et tout, parce que les masques jouent un rôle aussi très important dans la culture africaine. Okay. Il y en a énormément de différents types, et puis tous les pays ont leurs masques qui sont propres à eux, et puis chaque masque a une signification et puis aussi une utilisation qui est définie, qui est précise. Et puis il y a d'autres qui sont utilisés uniquement pour peut-être des rituels, pour peut-être des cérémonies de décès, des deuils et tout. Il y a d'autres qui sont au contraire peut-être utilisés pour peut-être des naissances ou certaines cérémonies d'initiation. Donc voilà, moi j'ai utilisé ça parce que c'était pour aussi rendre un peu un hommage quand même à la culture, et puis à essayer de faire connaître aussi le masque aussi au monde en fait, pour que les personnes aussi qui puissent peut-être un jour voir ça puissent aussi essayer de quand même se renseigner sur la provenance de ça, et puis peut-être être intéressés à peut-être s'offrir des masques, parce que tu sais, généralement la plupart des choses que les personnes achètent quand elles vont en Afrique, c'est beaucoup des masques en fait. C'est-à-dire des personnes, tu sais, les touristes quand ils vont, ils ramènent tout le temps des petits trucs comme ça, et puis c'est beaucoup de masques, ou bien des petites statuettes, bien des trucs du genre, ou des portraits aussi. Donc voilà, j'ai rédigé un essai là-dessus. Et puis voilà, des personnes aussi ont quand même peut-être un peu apprécié et tout. Donc, tu écris des textes, tu travailles sur des mangas, comme tu as dit. Ouais, c'est ça, justement. Les arts, toujours là-dessus. Hein, et voilà, donc ouais, j'essaie de faire un peu plusieurs choses pour ne pas développer moi-même aussi culturellement. Oui, ta créativité. C'est ça, là, surtout la créativité, en fait, de pouvoir m'en servir sur beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est très bien. Donc, c'est sur ce mot de culture. On va terminer Voix d'Afrique, et puis voilà, pour ceux qui ont des masques aussi, qui veulent aussi partager la culture de leur pays, peu importe, ils peuvent voilà, utiliser ça sur un hashtag que j'ai créé qui s'appelle Adopte un masque. Oh, donc pour ceux qui veulent nous faire partager ça, bon, vous pouvez juste partager ça avec ce hashtag là. Et on suit le compte Brigade 555 donc, sur Instagram aussi. C'est ça. Et bien, on finit en musique. Avec Nietzsche Blaugrana. C'est quoi ça? C'est le clip, c'est un son d'un freestyle d'un artiste dont j'avais déjà parlé, Nietzsche OJ. Et en ce moment, il va lancer un projet qu'il appelle la Nietzsche Tape. Et ça, Blaugrana est la première chanson extraite de ce projet-là, en fait. Donc, il y en a d'autres qui vont s'en venir très, très bientôt. Même, je pense, cette semaine, il y a une autre chanson en sort qui doit sortir. Moi, j'aime bien un peu le délire. Et puis, bon, c'est une manière aussi de lui témoigner un peu mon soutien. Génial. Merci beaucoup, Dominique Nodbavungu. On te retrouve la semaine prochaine dans ta case habituelle, qui est à 8h30 les mardis matins. Dominique Nodbavungu et Voix d'Afrique. Merci encore. Merci. C'est bon, tranquille. fait qu'on joue à FIFA, mais je te mets une raclée avec le Barça. Ah, impossible. Oh, man. Come on, bro. Impossible. Non, man. Tu connais le PSG? Non, man. Ils sont les meilleurs. Mbappé, Neymar. Arrête, voyons. Laisse tomber. Tu sais, tu vas me dire Cavani, mais man, t'as Barça, t'as Messi, t'as Dembélé, t'as Umtiti, man. Laisse tomber. C'est actuellement, c'est le PSG. Ici, c'est Paris. N-I-T-C-H. It's Mr. Miami Key Production. Checky check ça. Attends, attends, je sais. Tu te demandes c'est qui ce gars encore. Il a fait du rap comme les autres. Mais tu vois, c'est pas très compliqué. Autour d'une PS4 avec des potes, je vais t'expliquer pourquoi je porte le Barcelone FC. C'est tout. Composante 225. L'histoire est longue, donnez-moi 2 minutes. Avant de cliquer, quitter, écoutez ce qui suit. Je pose ce petit son sur le blog, mon gars. Même si j'ai pas le maillot, je suis un blograna. En fait, mon pote, tu sais, ça va saigner. C'est incroyable, pas un mois dans mes débuts comme Valverde. Mais je garde les pieds sur terre. Garde, pas besoin de blanc, je peux faire des fly comme Ter Stegen. Bien sûr, je mets la barre haute quand je kick, c'était façon à la base. Je suis comme Alba. La rime serait belle avec Alabama, mais le mercato dernier, on n'a pas su la voix, c'est ça le bail. Sans Puyol, il manquait un cœur de lion, mais il a fallu qu'on prenne des buts pour prendre le lyonnais. Mais sa attitude en face de nous parce qu'on a ce Umtiti, le mur solide barcelonais. Admettons, on aimerait avoir la vie de Gérard, son compte Twitter, ah, et puis sa Shakira. Mais pour l'instant, je vis une vie de Bousquet. Le monde connaît pas, mais je me pousse, frère. C'est chiant. Ah, j'oubliais, tu te rappelles du Paris-Barça? Non, pas ça, le but de l'arrière droit là. Dans ce match, je t'assure, je peux oublier tout. Sauf le but victorieux de Sergi Roberto. Et Iniesta, un magicien qui a de la classe. Ouais, Iniesta, des yeux dans le dos, le roi de la passe. Maintenant ils aiment le rap qui tue, comme la frappe du gauche contre Madrid de Ivan Rakitic. Toute équipe se doit d'avoir un son de formation. Le Barça en a deux, la Masia et FC Liverpool. T'as pas compris, je t'explique en citant quelques noms. Masqué, Rano Lusarez et Philippe Coutinho. Combien t'as vu, contrôlé comme Zinedine Zidane. Avoir des touches presque nettes de la gauche et de la droite. Mais dans ce game, t'en as pas assez qui peut faire ça. T'as senti Carzola, et Dembélé, Ousmane. Et normalement, un Messi se doit de faire une chose qui est envoyer les non-croyants au christianisme dans le baptême. Mais le Messi argentin est vraiment différent. Il convertit les défenseurs en musulmans, le front par terre. C'est pour ça qu'on est le meilleur club. NITC, NITC, NITC, H. Un philosophe même sur le mic. C'est Niche Tape. Thank you. C'était la pièce Yuki par Musique Chienne à Assemblage Requis. C'est déjà presque la fin de l'émission d'aujourd'hui. Hein, on a survécu à tout ça ensemble, on a eu du fun quand même, malgré l'absence de Tania qui devrait être de retour parmi nous d'ici la fin de la semaine, on l'espère bien. Mais quand même, d'ici là, je remercie nos chroniqueurs aujourd'hui, c'est-à-dire Marc-Olivier Dumas qui était là pour Sport et Filoché, merci à Jimmy Thibodeau pour Gauchère Bévue et à Dominique Nodmavungu qui vient de terminer sa chronique Voix d'Afrique. Sur notre émission demain, qu'est-ce qu'on a? Sébastien Gartin va être avec nous pour sa chronique Bulletin Gartin en début d'émission à 7h30. La coulée, écoute dans les coulisses de la huître à 9h30 peut-être, une fois de temps en temps, des fois une de nos 6 personnes ressources pourrait être disponible pour dans les coulisses de la huître à 9h30, donc ça c'est demain. Plus tard sur nos ondes, on est mardi, donc à 10h dans quelques instants ce sera C'est fou le sexe, ensuite à midi la rediffusion de Rock de Neurones, à 15h c'est dans ta face avec notre chroniqueur Marc Gagné, à 16h des fois il y a les pas sortables, à 19h c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve demain avec, espérons-le, Tania Baudin. Bye bye. On se quitte avec US Girls et Mad as Hell. À demain, 7h!